Alors expliquez-moi ce qui se passe. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Vous êtes fou, mon petit. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire. Une pression en avant, et la machine se déplace vers le futur. Une pression en arrière, vers le passé. Bon, très bien. L'anachronique culturelle. Vers l'infini et au-delà. Mathilde Serrel. Atterrissage réussi en 1966. Personne ou presque ne l'a encore vu. Depuis l'annonce du tournage, les religieuses ne décollèrent pas. Et la très influente association de parents d'élèves de l'enseignement libre a engagé une campagne de lobbying intense. La commission de contrôle des films a bien rendu un avis favorable par deux fois. Pourtant, stupeur et tremblement, en ce 31 mars 1966, le jeune ministre de l'Information, Yvon Bourges, annonce l'interdiction de la religieuse de Jacques Rivette. C'est l'histoire d'une jeune fille que ses parents forcent à entrer en religion, forcent à devenir religieuse contre son gré. Non pas que cette jeune fille n'ait pas la foi, mais simplement parce qu'elle n'a pas envie de passer sa vie dans un couvent. Et ensuite, l'histoire est surtout faite des rapports successifs de Suzanne Simonin avec les trois supérieures qui représentent chacune une forme différente de la vie monastique, enfin, d'une des directions extrêmes que peut prendre la vie monastique. Le film est adapté du philosophe et père de l'encyclopédie Denis Diderot. Deux siècles plus tard, la religieuse continue donc de déranger. Mais en France, pays des Lumières, pourquoi diable reparle-t-on de blasphème ? Suzanne, combien vous êtes belle ? Est-ce que vous sentez en vous-même des mouvements ? Des désirs. Non. Pourquoi cet excès de zèle du ministre pour qui le film doit être interdit car, je cite, « il est propre à heurter gravement les sentiments et les consciences d'une très large partie de la population ». Soyons clairs, cette population, c'est l'électorat catholique, à qui il serait bon, semble-t-il, de donner des gages avant les prochaines législatives. Mais n'est-ce pas la censure de trop ? La trahison ultime d'un gouvernement qui a, pour ministre de la Culture, André Malraux. C'est ce que nous explique Antoine Debecq, historien et critique de cinéma. C'est à la fois une surprise, parce que c'est un coup de force, parce que donc Yvon Bourges l'impose malgré la commission de censure qui est favorable, parce qu'on ne s'y attend pas. Et puis d'autre part, ce n'est pas tout à fait une surprise, parce qu'on sait qu'à un moment, ça va sûrement coincer quelque part. Et donc très vite, la mobilisation se fait. Et c'est une mobilisation qui a l'intelligence, disons, de se placer sur un niveau très, très symbolique. C'est d'abord une lutte de deux symboles. Il y a d'un côté celui qui va se mobiliser en première ligne, qui est Godard, Jean-Luc Godard. Donc c'est pas Rivette qui se met en première ligne, c'est Godard. C'est un petit peu le symbole de la nouvelle vague. C'est la vedette de la culture, Godard, au milieu des années 60. Hein. Et il se mobilise contre un autre symbole qui est André Malraux. C'est à la fois un paradoxe, et c'est disons une sorte de stratégie que Godard a tout à fait bien menée, c'est-à-dire qu'il ne se mobilise pas contre Yvon Bourges, un jeune ministre inconnu, alors que c'est Yvon Bourges qui interdit le film. Il va directement contre Malraux. Mais Godard sait que une attaque contre Malraux, voilà, c'est deux symboles qui se rencontrent, hein, ça va faire des étincelles et c'est d'autant plus deux symboles qui se rencontrent que Malraux a été un grand soutien de Godard. Il y a vraiment une sorte d'alliance, on va dire, d'alliance politique et d'alliance objective entre la Nouvelle Vague et Malraux. Et donc là, c'est une sorte de rupture, voilà. Le Nouvel Observateur, 6 avril 1966. Lettre à André Malraux, ministre de la Culture. Je ne suis pas tellement sûr, cher André Malraux, que vous compreniez quelque chose à cette lettre. Mais comme vous êtes le seul gaulliste que je connaisse, il faut bien que ma colère tombe sur vous. Et après tout, ça tombe bien. Étant cinéaste comme d'autres sont juifs ou noirs, je commençais à en avoir marre d'aller chaque fois vous voir et vous demander d'intercéder auprès de vos amis, Roger Frey et Georges Pompidou, pour obtenir la grâce d'un film condamné à mort par la censure, cette Gestapo de l'esprit. André Malraux, le résistant, ministre de la Kultur avec un K. La Gestapo de l'esprit. Jean-Luc Godard franchit plus qu'un point Godwin. Il renverse totalement les valeurs. Et ça marche. Pour ma part, j'ai l'intention de faire un voyage dans le futur. Transportation réussie. Vous êtes de retour au 21e siècle. Ce que l'on peut dire, un demi-siècle plus tard, c'est que l'on aurait voulu organiser mai 68, que l'on ne s'y serait pas mieux pris. On est dans un contexte qui est finalement, on s'en apercevra deux ans plus tard, un contexte pré-68, où les attaques peuvent être extrêmement violentes. En tout cas, elles trouvent leur justification dans le contexte politique de l'époque. Voilà, cette inversion absolue des valeurs où c'est l'armée de la République française qui a torturé en Algérie, c'est le général de Gaulle et son ministre de la Culture qui interdisent les films. Ces attaques très très violentes sur ce niveau symbolique et historique portent complètement leurs fruits. C'est la naissance d'un slogan. Diderot le formulait déjà au XVIIIe siècle, il n'y a pas de meilleure publicité que la censure. Le film ira à Cannes en mai 66 et sortira un an plus tard, apportant à Jacques Rivette son plus grand succès. Mais pourrait-on ajouter, il n'est pas de meilleur moteur d'organisation politique que la censure. Le cinéma français se découvre militant. L'affaire de la religieuse, elle est le déclencheur de cette prise de conscience, d'une volonté d'indépendance par rapport au pouvoir, qui est à ce moment-là un pouvoir gaulliste, qui sera ensuite une volonté d'indépendance par rapport à tous les pouvoirs politiques en France. Voilà, c'est la fin de cette innocence, de ce jeu avec le pouvoir qui explique assez directement l'état de la communauté cinématographique en 68, qui est vraiment un moment d'une sorte de rébellion ouverte contre le système et contre l'état gaulliste. Si la stratégie de censure de la religieuse s'avère payante à court terme et rassemble les Français gaullistes le 30 mai 68 pour mettre fin à la chienlit, elle prépare les renversements à venir, en mai 1981. Tout d'un coup, il y a un changement il y a une politisation et un changement de perspective qui fait que la mobilisation, elle se fait autour de l'affaire de la religieuse et elle va continuer pendant, disons, une bonne dizaine d'années jusqu'à 80, qui va sonner une sorte de réveil un peu d'abord un peu joyeux, puis ensuite assez vite un peu nauséeux du monde du cinéma, qui va comprendre que tout ça est une affaire qui a été en quelque sorte perdue. Même déçu après l'arrivée de la gauche au pouvoir, le cinéma français découvre avec l'affaire de la religieuse un possible, celui de changer la vie.